marcher seul sur le chemin, la montagne se réveille. Voilant la vallée, la brume avait un air océanique. Pas la moindre âme aux alentours, juste les chicas faméliques. Et le bruit sec sous mes chaussures de quelques cannes qui roulaient. Les hautes branches des sapins semblent briller dans la lumière. Des premiers rayons du soleil qui doucement montrent son nez. J'avais prévu de m'arrêter près d'une sorte de clairière. Quand j'arrivais à l'endroit, j'ai eu l'impression d'être épié. Comme une sensation bizarre est venue s'installer en moi. Un sixième sens en quelque sorte, et ça tout le monde connaît. Certitude inexplicable, mais sans pouvoir rien discerner. Et puis soudain là devant moi, je l'ai vu qui me regardait. Ses yeux bien taillés en amande semblaient vouloir me transpercer. Ses oreilles courtes et pointues semblaient rechercher d'autres bruits. Nous sommes restés là tous les deux, juste à s'observer sans bouger. Je ne sais pas encore pourquoi, je n'ai même pas eu peur de lui. Je suis assis sur un tronc qui se trouvait couché à terre. Comme si je savais par avance que je ne courais aucun danger. Si je me gardais de bouger, je me sentais pas très fier. Face à cette bête magnifique que ma route venait de croiser. Il ne m'a pas montré les dents, pas mordu, même pas grogné. Il m'a juste observé de l'œil pour voir ce que je lui voulais. Je suis resté là sans rien dire, juste ravi de contempler ce qui n'avait rien de commun à tout ce qu'on a pu me raconter. Puis doucement, sans geste brusque, il se dirige vers les arbres. Sans même seulement se retourner pour voir si je restais ainsi. Comme s'il avait compris qu'on n'était pas des ennemis. Et c'est vrai que depuis ce jour, je suis encore pris sous son charme. Restera dans ma mémoire comme marqué d'une grande croix. Ni le loup ni moi n'avons eu, je l'ai bien compris, de frayeur. Comme comme s'il avait pu entendre dans mon esprit toute la joie d'avoir pu croiser sur ma route celui qu'on prétend un tueur. Je marchais seul sur ce chemin, la montagne se réveillait. Au loin dans la vallée, la brume avait un air océanique. Pas la moindre âme aux alentours, juste les choucas faméliques. Et le bruit sec sous mes chaussures de quelques cailloux qui roulaient.